الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 5 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen رحمه الله qui s'intitule شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. Et donc on est à la fin maintenant, alhamdulillah, il nous reste que quelques pages. Wa alaykoum as-salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Il nous reste que quelques pages pour terminer ce livre qui est extrêmement bénéfique et qui nous a aidé à comprendre beaucoup de choses nouvelles dans notre croyance et dans notre compréhension. Ça nous a aidé dans plusieurs points. Et donc c'est triste, mais yani, alhamdulillah, on arrive à la fin. Donc le cheikh maintenant, il parle des fruits qui découlent de l'apprentissage de cette aqida, et chacun des points et des piliers qui ont rapport avec les piliers de la foi, qu'est-ce qu'il doit produire en nous comme conséquence, comme effet, et qu'est-ce qu'il doit avoir aussi comme les fruits, hein? Donc souvent on dit on reconnaît les gens par leurs fruits, par les fruits qu'ils produisent, et ça c'est vrai en réalité. Si on regarde par exemple les gens qui sont sur la vérité et qui suivent la vérité, qui ont la connaissance du Coran et la connaissance de la Sunna, et qui yani, ont bien compris la compréhension de la religion selon le Coran, la Sunna et la compréhension des salaf, Inch'Allah, on les reconnaît par leurs fruits, parce que ce qu'ils font, c'est des choses de bien. Et ils ne font pas de désordre sur la terre, Inch'Allah. Donc ici, le cheikh, il mentionne des exemples par rapport à ça. Et on a vu au dernier cours, on a commencé à expliquer à la fin les fruits qui découlent du fait d'avoir la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh expliquait donc que lorsque quelqu'un, il a justement eu la connaissance d'Allah, connaît ses noms, connaît ses attributs, il connaît les choses qui sont reliées à la rububiyya, et il connaît les choses qui sont reliées à l'uluhiyya, eh bien, Inch'Allah, ça va produire en lui les bons fruits. Et parmi les exemples de ce qu'il a mentionné comme référence à ce sujet-là, le verset 97 dans Sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. » Donc, quiconque fait des bonnes œuvres, hein, quiconque fait une bonne action, qu'il soit un homme ou une femme, min dhakarin, donc qu'il soit un homme, ou untha, ou une femme, une femelle, hein, un mâle ou une femelle, wa huwa mu'minun, alors qu'il est croyant, parce que s'il n'est pas croyant, ça ne sert à rien. Même s'il fait les bonnes œuvres, il n'aura pas de récompense. Wa huwa mu'minun, alors qu'il est croyant. Alors, nous allons lui donner une vie, hein, nous allons lui faire vivre une vie qui est bonne. Hayatan tayyiba. Et nous allons le récompenser et lui donner sa récompense pour le meilleur de ce qu'il a œuvré. On va voir maintenant l'explication de ce verset-là dans les paroles de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Et il explique ce verset-là. C'est très bénéfique, il dit « Idhan, al-iman billahi yuthmiru hadhihi thamarata al-jalila. Wa hadhihi thamarata al-jalila laysa fawqaha sa'adatun wallahi. Lal qusur, walal azwaj, walal banun, walal maraqib al-fakhma, wala kullu na'imin yusawi hadha. ولهذا قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وهو مؤمن هذه الجملة حالية قيد فلا ينفع العمل الصالح بدون إيمان ثم قال تعالى فلنحيينه حياة طيبة يعني ما أعظم القرآن والمتكلم به فلم يقل فلنرزقنه أو فلنكثرن ماله بل قال فلنحيينه حياة طيبة، والحياة الطيبة تكون حتى مع الأمراض، بل حتى مع الفقر وحتى مع البلاء، يكون الإنسان مطمئنا صابرا على قضاء الله وقدره راضيا به ربا. Donc le cheikh il dit donc ici il faut comprendre que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala elle va produire en nous des fruits majestueux, des fruits extrêmement bénéfiques et importants. Et il dit ces fruits là qui sont produits par la foi, eh bien il n'y a pas un bonheur qui est au-dessus de ce bonheur là. Il dit et il dit par Allah ni les rois ni les palais, hein, ni les palais, ni les épouses, ni les enfants, ni les belles montures et les belles voitures. Et il dit, tout ce qu'il peut y avoir comme délices ne peuvent même pas être équivalents à quoi que ce soit de ce qui a rapport avec ce grand bonheur qui est relié aux fruits qui sont produits par le fait d'avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 97 dans sourate An-Nahl, quiconque fait une bonne action, qu'il soit un homme ou une femme, alors qu'il est croyant, alors nous allons lui faire vivre une bonne vie et nous allons lui donner sa rétribution et sa récompense et lui donner sa récompense pour le meilleur de ce qu'il a œuvré. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa huwa mu'minun, alors qu'il est croyant, il dit ça, c'est une restriction dans le verset pour expliquer que les œuvres ne seront bénéfiques que si la personne a la foi. Et que si quelqu'un n'a pas la foi, même s'il a fait des bonnes œuvres, ça ne sera pas profitable pour lui. Il n'aura aucun bienfait de cela. Et il dit ensuite, le Cheikh, ثُمَّ قَالَ تَعَالَى. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans le verset, et nous allons lui faire vivre une vie qui est bonne. Et il dit, regardez comment le Coran est grand et comment celui qui parle ses paroles est grand. Il dit, il n'a pas dit celui qui fait des bonnes œuvres et qui à la fois nous allons lui donner plein de subsistance ou nous allons augmenter sa richesse et ses biens. Mais plutôt, il a dit, nous allons lui donner une bonne vie. Hein, nous allons lui faire vivre une bonne vie. Et la bonne vie, elle est établi même lorsque quelqu'un est malade. Même quand il est malade, il vit une bonne vie. Quand il est croyant et qu'il fait des bonnes œuvres. Même s'il est pauvre, même s'il a eu des malheurs dans sa vie, dans son cœur, il est en paix. Il est en tranquillité et il est endurant vis-à-vis des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestinées et qu'est-ce qu'il a décrété. Et il est satisfait d'Allah comme étant son Seigneur. Mais ça ne peut être vrai que pour la personne qui est croyante. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, donc, فَلَنُحْيَيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Le Cheikh il dit, وَهَذِهِ الْحَيَاتُ الطَّيِّبًا. فَلَا يَنْظُرُ عِنْدَ الْمَصَائِبِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ يَسْأَلُهُ الثَّوَابَ وَيَرْجُوهُ وَإِزَالَةَ الْمِحْنَةِ وحينئذ تطيب حياته ولكن الذي ليس عنده إيمان أو عنده إيمان ولكن ناقص العمل تجده يعني يجد كل مصيبة حسرة في قلبه لأنه لا يرجو ثوابا ولا تكفيرا للسيئات إذ إن همه أن يكون في هذه الدنيا منعما فإذا فاته النعيم ولو في لحظة واحدة حزن ودام قلقه ولكن الذي مع الله صابر على قضائه محتسبا لثوابه تجده دائما مسرورا حتى عند المصائب يحزن لكنه لا يرى أن ذلك انتقام من الله عز وجل بل لمصلحة هذا الرجل ولهذا قال ولا فلا نحيينه حياة طيبة فهذا جزاء الدنيا. Donc le cheikh il dit, cette bonne vie c'est ça, d'avoir la tranquillité, la sérénité dans le cœur. Donc tu vas pas regarder les malheurs qui t'atteignent. Quand tu as un malheur, Tu vas pas regarder excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tu vas lui demander la récompense. La récompense pour le fait d'avoir été patient et pour le fait d'avoir enduré cette épreuve et cette difficulté. Et en espérant de lui qu'il te libère et qu'il te guérit ou qu'il t'enlève cette épreuve et cette difficulté. Donc, il y a un bien qui découle de ça pour le croyant. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsqu'il a compris ça, sa vie va être bonne pour lui. Hein? Mais celui qui n'a pas de foi, ou celui qui a une foi mais qui est faible dans ses actions et dans sa foi, eh bien, il va trouver que chaque malheur qui l'atteint est un malheur pour lui dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'espère pas la récompense d'Allah dans ce malheur qui l'a atteint. Et il n'espère pas non plus l'expiation de ses péchés. Parce que sa seule aspiration et la seule chose qu'il souhaite, c'est uniquement dans cette dunya d'obtenir le plus de délices et le plus de grâces possible. Et si quelque chose de ces délices et de ces grâces lui manque, ou s'il perd quelque chose de cela, même si c'est juste un petit instant de plaisir, eh bien, il est triste et il va demeurer dans يعني, comme le cheikh dit, al-qalaq, l'angoisse. Hein? Il reste angoissé, il reste dans ses soucis, les tracas à cause de ça. Il dit, walakin alladhi, tandis que celui qui est avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui est endurant vis-à-vis de son décret divin, vis-à-vis de ce qu'il a prédestiné pour lui, il espère et il recherche dans cette épreuve la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et par conséquent tu le trouveras toujours heureux. Toujours heureux dans son cœur, toujours heureux. Pourquoi? Parce que il sait que cette difficulté, cette épreuve qui l'a touché, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface de ses péchés pour ça et le récompense pour sa patience et son endurance. Donc ça devient pour lui une grâce en réalité. Et quand il a un malheur, même si parfois il va être un peu triste de ça, c'est normal que quelqu'un ne soit pas et se réjouisse pas d'un malheur quand il est frappé par un malheur. Et en même temps aussi, le croyant, il ne va pas souhaiter le malheur. Hein? S'il est bien, s'il n'a pas de difficultés, s'il n'est pas malade, il ne souhaite pas d'être malade. Hein? Ce n'est pas normal pour le croyant de dire « Ah, moi, je veux être malade parce que je veux être éprouvé, je veux que Allah pardonne. » Non, ce n'est pas comme ça. Hein? Si Allah ne t'a pas éprouvé par une maladie ou par une épreuve ou un malheur quelconque, n'espère pas le malheur. Hein? N'espère pas le malheur pour toi-même. Mais demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour tes péchés. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, « La tatamannaw liqa al-adou. » La tatamannaw liqa al-adou. N'espérez pas, ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi. Hein? Pourquoi? Parce que dans le fait de rencontrer l'ennemi, il y a un malheur, il y a une difficulté là-dedans. Il y a un risque dedans. Il y a une crainte dedans. Il y a une perte de vie dedans. Il y a une possibilité d'être blessé ou d'être tué au combat. Donc, c'est une difficulté, c'est un malheur. Donc, il ne faut pas l'espérer. Mais il dit, mais si vous les rencontrez, « وَلَكِنْ إِذَا لَقِيْتُمُهُمْ فَثْبُتُوا hein, » وَثْبُتُوا. Si vous les rencontrez, votre ennemi, alors soyez ferme. Restez ferme. Hein? Donc, si tu n'as pas eu de malheur dans ta vie, hein? Si tu n'es pas malade, si tu n'es pas fatigué, si tu n'as pas des problèmes, si tu n'as pas des malheurs, remercie Allah subhanahu wa ta'ala et demande pardon pour tes péchés. Mais n'espère pas d'avoir ce malheur-là. Si par contre Allah il t'a éprouvé par ses malheurs, sois patient, endure et espère la récompense en Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, le croyant, même s'il est triste, donc, comme le cheikh il explique ici, il dit... Il ne va pas voir ce malheur qui le touche comme étant une vengeance de la part d'Allah pour lui ou un châtiment d'Allah pour lui. Hein? Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'éprouve de cette manière pour son bien. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éprouve, c'est pour ton bien en réalité. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, il dit « Man yuridillahu bihi khayran yusib minhu. » Yusib minhu. Il lui donne des masa'ib. Quand il aime un peuple, si Allah te veut du bien, il va t'éprouver. Hein? Donc ça, c'est un signe que Allah t'aime. Les peuples qui sont éprouvés, Allah les éprouve parce qu'il les aime. Et si c'est des kuffars, c'est une punition pour eux. Mais si c'est des mu'minines, c'est pour les éprouver, pour les purifier, pour les nettoyer de leurs péchés et, incha'Allah, pour les élever en degré. Il dit, « وَلِذَلِكَ قَالَ فَلِذَلِكَ قَالَ فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً » Et nous allons lui... Donc c'est pour ça qu'Allah dit, « Nous allons lui donner une bonne vie. » Donc il y a rien qui est mauvais pour le croyant dans sa vie. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, « عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٍ إِذَا أَصَابَتْهُ يعني صرا شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرا صبر فكانت خيرا له وذلك ليس إلا للمؤمن. Le hadith il dit, peu importe qu'est-ce qui arrive aux musulmans, c'est toujours du bien. S'il est touché par du bien, c'est du bien. Si c'est touché par, il est touché par du mal, c'est du bien. Hein? Pourquoi c'est du bien dans les deux cas? Pourquoi? Parce que s'il est, il est touché par un bien, il est reconnaissant. Shakar. Alors c'est un bien pour lui. Et s'il est touché par un mal, sabar. Il est endurant. Alors c'est un bien pour lui. Mais ça, c'est seulement pour le croyant. Celui qui est kafir, il ne pense pas à ça. Hein? Il ne voit pas la vie de cette manière-là. Amma fil akhirah. Donc, hana fil dunya. Donc, ça, c'est la bonne vie pour le croyant dans cette vie d'ici-bas. Il dit, wa amma fil akhirati. Faqala falan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ay, bi thawabi ahsani l'amal. Fa innahum yuthabuna ahsani al-thawab fi kulli amalin. Wal a'malu takhtalifu. Wa thawabuha yakhtalif. ولكن يجزى على كل عمل بأحسن جزاء وليس المعنى أنه يجزى جزاء الصلاة على من فعل طاعة يسيرة بل المعنى أنه يجزى أحسن جزاء على كل عمل وكل عمل بحسبه. يقول بعض السلف رحمهم الله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدونا بالسيوف مع أن الملوك قد كملت لهم الدنيا فهم معززون ومكرمون تخدمهم الناس وتسهل أمورهم ولكن ليست راحة قلوبهم كراحة المؤمن المتصل قلبه بالله أبدا مهما كان وتجدهم ينامون على غم ويقومون على هم ولكن المؤمن ينام على طاعة الله ويقوم على طاعة الله فتجده عند نومه يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين يفوض أمره إلى الله وعند القيام يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور تجده دائما على ذكر الله عند نومه وعند يقظته ودائما قلبه حي بذكر الله عز وجل. Donc le cheikh il explique en ce qui concerne la récompense du croyant pendant l'au-delà. Hein? Dans cette vie, il a eu la bonne vie. Et dans la vie après la mort, qu'est-ce qu'il aura? Allah va lui récompenser de la meilleure récompense pour ce qu'il a œuvré. Et il dit, le cheikh, c'est-à-dire qu'il aura la meilleure récompense pour les œuvres qu'il a faites. Et chaque action selon ce que l'action mérite comme récompense. Donc, il dit les œuvres sont différentes. Et les récompenses pour ces œuvres-là sont différentes aussi. Mais il aura pour chaque action la meilleure récompense possible. C'est-à-dire que ça ne signifie pas que, par exemple, si quelqu'un fait une petite obéissance, il aura la même récompense que d'avoir fait la salate. Non, il dit, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour chaque action, selon l'action en question, il y aura la meilleure récompense pour chaque œuvre, pour chaque action que la personne a faite. Et le cheikh, il explique ensuite, il dit que certains parmi les salafs, et j'ai déjà lu cette parole de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il disait, Si les rois et les fils des rois savaient ce que nous ressentons ou ce dans quoi nous sommes comme délices dans notre cœur à cause de notre foi, ils nous auraient fouetté ou frappé avec les épées pour obtenir ce délice-là, s'ils pouvaient. Et qu'est-ce que ça signifie cette parole? Il dit, ça signifie que yani, les rois, malgré toutes les belles choses qu'ils ont de la dunya, et tout ce qu'ils ont comme yani, facilité dans la dunya, qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir dans la dunya, ils n'ont pas cette tranquillité de cœur que peuvent avoir les croyants dont le cœur est rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances et dans toutes situations. Donc il dit, tu vois par exemple, les dirigeants ou les rois, yani, même s'ils ont des richesses dans la vie d'ici-bas, mais par contre, ils ont beaucoup de soucis, ils ont beaucoup de tracas, ils ont beaucoup de pensées dans leur tête tout le temps. Ils pensent toutes sortes de choses. C'est normal parce qu'en même temps, ils ont beaucoup de responsabilités, ils ont beaucoup de comptes à rendre. La responsabilité est très lourde pour eux. Donc, quand ils vont se coucher, ils ont des soucis. Et quand ils se réveillent, ils ont des soucis. Tandis que le croyant, il va se lever, il va se coucher, et toujours il est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dort dans l'obéissance d'Allah, il se lève dans l'obéissance d'Allah. Et il dit, au moment de son coucher, il dit l'invocation qui est rapportée par Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, c'est-à-dire par ton nom, ô Allah, je mets mon côté sur, je couche mon côté, et c'est par également ton nom que, ou c'est par toi que je le relève. Si tu retiens mon âme, fais-lui miséricorde. Et si tu la renvoies, préserve-la par ce par quoi tu as préservé tes serviteurs vertueux. Et il remet donc son âme et ses affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Et au moment de se lever, il dit, louange à celui qui m'a fait revivre après m'avoir fait mourir, et c'est vers lui que sera le retour ou le rassemblement. Donc tu vois que le croyant, il est toujours dans le rappel d'Allah, au moment de dormir, au moment de se réveiller, et son cœur est toujours vivant par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sa vie entière est une adoration, même le sommeil est une adoration pour lui. Ensuite, le cheikh, il dit, al-mas'ala. مسألة المصائب إذا أصابت إنسانا فهي تكفير للذنوب وليس فيها ثواب فيها حط من القضاء وليس فيها فهي تكفير للذنوب وليس فيها ثواب وفيها حط من القضاء وإذا صبر وإذا احتسب الأجر صار فيها تكفير للذنوب وأجر يعني الأجر لا يكون إلا لمن احتسب الأجر عند الله أما التكفير للذنوب فهو بمجرد ما تصيبه المصيبة يكفر الله بها الذنوب ولكن هل يصاب غير المذنب ولكن هل يصاب غير المذنب الجواب نعم ربنا يصاب غير المذنب رفعة لدرجاته وليس في هذا شك فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يوعك كما يوعك الرجلان منا فيكون في ذلك رفعة لدرجاته ولأجل أن تتم درجة الصابرين في حقه ولهذا أصبر الناس على أقدار الله وعلى المصائب وعلى شرع الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc ici le cheikh il explique un petit point par rapport à la question des épreuves qui nous atteignent. Si une personne est éprouvée par un malheur quelconque, alors c'est une expiation pour ses péchés. Mais il n'y aura pas de récompense pour lui. Et il dit, il y aura donc une récompense pour lui seulement si il a fait preuve d'endurance et qu'il a espéré une récompense d'Allah dans cette endurance et dans cette patience. Donc, il y a dedans une il y a dans le malheur qui nous a atteints, il y a une expiation pour nos péchés. Hein? Et il dit, mais la récompense, par contre, la récompense ne sera que pour celui qui a espéré une récompense d'Allah. Dans ce malheur, lorsqu'il a fait preuve de patience et d'endurance, il dit, en ce qui concerne l'expiation des péchés, ça, du moment que tu es affecté ou touché par le malheur en question, Allah, il t'efface de tes péchés pour ça. Mais est-ce que celui qui n'est pas pécheur, est-ce que lui aussi, hein, il gagne quelque chose dans le fait d'être endurant face à l'épreuve? Hein, s'il n'est pas parmi les pécheurs, est-ce qu'il gagne quelque chose quand même? Et le cheikh, il dit oui, il gagne quelque chose quand même, parce que même s'il n'est pas un pécheur, Allah va pas lui effacer des péchés s'il n'a pas de péché, hein, mais il va l'élever en degré. Il va l'élever en degré. Et il donne l'exemple du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui était éprouvé, comme il y en a plus que deux parmi les hommes. Et il dit, malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas de péché, mais Allah l'élève en degré. Et c'est pour compléter en lui également le degré des endurants. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus patient et le plus endurant des hommes. Hein? Il était endurant par rapport au décret d'Allah et au malheur qui pouvait l'atteindre, et également patient dans l'application de ce que Allah a légiféré. Maintenant, on a terminé le premier point qui est Thamaratul Iman Billah, les fruits de la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là, le cheikh, il va maintenant parler des fruits de la foi en les anges. Thamaratul Iman Bil Malaika. Donc, qu'est-ce que le fait de croire en les anges peut produire chez le croyant? Le cheikh dit, wa qawluhu wa min thamaratil imani bil malaikati awwalan al-ilmu bi 'azamati khaliqihim tabaaraka wa ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi li'anna 'azamata al-makhluq tadullu 'ala 'azamati al-khaliq wa la budda fal-malaikatu 'alayhim as-salatu was-salam aqwiyaa wa fi kulli shay'in hatta fi dar al-'uqubah. قال تعالى وعليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني غلاظ الطبائع شداد الأجسام أقوياء. Donc le cheikh il dit, parmi les fruits qui découlent du fait d'avoir la foi en les anges, premièrement il y a la connaissance de la grandeur de leur créateur et de sa force et de sa puissance, puisque la grandeur de la créature indique la grandeur du créateur. Et donc, ça, c'est obligatoire. Donc, il dit, par exemple, les anges sont forts. Et ils ont une grande puissance, même dans la demeure du châtiment, dans l'enfer. Hein? Allah, il a placé comme gardien de l'enfer des anges. Hein? Et ce sont ces anges-là qui gardent l'enfer. Et il les a décrits en disant, alayha, c'est-à-dire sur l'enfer, malaikatun ghilazun shidad. Ghilazun, ça veut dire qu'ils sont très rudes. Shidadun, ça veut dire qu'ils sont très durs et forts. La ya'sun Allah ma amarahum. Ils ne désobéissent jamais à ce que Allah leur ordonne. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Et ils font ce qu'ils sont commandés de faire. Et donc, ils ont une nature qui est rude et ils sont durs physiquement, c'est-à-dire ils ont des corps qui sont forts. Shidadul ajsam. Ajsam, c'est le pluriel de jism. Jism qui veut dire le corps. Ils ont des corps qui sont puissants et forts. Et il dit, وَكَذَلِكَ أَيْضًا الْمَلَائِكَةُ الْآخَرُونَ كُلُّهُمْ أَقْوِيَاءُ قَالَ تَعَالَى وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلَا يَفْتُرُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُ هَذَا أَحَدٌ مِنَ الْبَشَرِ. Donc le cheikh il dit, de même que les autres anges, autres que ceux que Allah a mentionné par rapport à l'enfer. C'est-à-dire les autres anges, en dehors de ceux qui sont les gardiens de l'enfer, eux aussi ils sont durs, eux aussi ils sont forts. Et il mentionne le cheikh le verset 20 dans Sourate Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il mentionne les caractéristiques, encore une fois, de ces anges-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie, yani, ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire les anges, ne se considèrent pas trop grands pour l'adorer. C'est-à-dire, là, yastakbirun, ils ne s'enflent pas d'orgueil de l'adorer, contrairement à certaines créatures qui se pensent trop importants pour se prosterner devant Allah. Donc, eux, ils sont humbles et ils ne s'enflent pas d'orgueil d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, hein, voilà. Yastahsirun, le cheikh, il dit, c'est-à-dire, il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas, hein? Contrairement aux êtres humains. Les êtres humains, ils sont pas très forts, hein? Comme les anges. Et ils n'ont pas cette endurance dans l'adoration comme les anges. Hein? Yusabbihuna al-layla wa-nahar, wala yafturun. C'est-à-dire, ils glorifient Allah subhanahu wa ta'ala la nuit et le jour, et ils ne s'interrompent jamais. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'arrêter, les anges, pour dormir. Ils ne s'arrêtent même pas pour dormir. Ils font la glorification d'Allah sans arrêt. Hein? C'est-à-dire 24 heures sur 24. Hein? 7 jours sur 7. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de congé, il n'y a pas de jour de il n'y a pas d'heure de break, comme on dit, des pauses, non. C'est sans arrêt, c'est ça leur travail. Allah les a créés pour ça. Et il dit, le cheikh, ensuite, donc, il dit, et personne parmi les êtres humains n'est capable de faire ça. Personne parmi les êtres humains n'est capable de faire ça. Même si c'est le plus pieux des hommes, même si c'est le plus pieux des hommes, il n'est pas capable de passer, par exemple, tu vas rester, par exemple, 3 jours sans dormir, 4 jours sans dormir, 5 jours sans dormir. Peut-être maximum 5 jours après, il commence à avoir des hallucinations, il commence à avoir des problèmes, hein? Parce que tu peux pas rester comme ça sans dormir jamais. Juste, tu dis, je vais juste faire la prière. Impossible. Idan, fa idha arafta qulubahum wa azamtahum wa istadlalta bihadhihi al-ma'rifati ala azamati khaliqihim. فجبريل صلوات الله وسلامه عليه رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، له 600 جناح أو له 600 جناح قد سد الأفق وليست هيئة وليست هنيئة أو هينة. Hein, وليست هينة وهو ملك واحد من ملائكة الله عز وجل فكيف بالملائكة الآخرين سبحان الله. Donc le cheikh il dit ici, donc il dit, si les cœurs ils ont connu cette connaissance là et ils ont compris la grandeur, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala en connaissant, hein, cette connaissance à propos des anges, hein, ils vont connaître la grandeur de leur créateur. Par conséquent, ils vont connaître la grandeur de leur créateur parce que Allahu Akbar, Allah est plus grand. Donc, il est plus grand que toutes les choses. Il n'y a rien qui est, hein, équivalent ou comparable à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, s'il a créé des créatures aussi immenses et aussi puissantes et aussi fortes, ça veut dire que lui, il est beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que ces créatures-là. Et il dit, à propos de Djibril, il dit, Djibril, alayhi salam, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'a vu à 2 reprises dans sa vraie image, dans sa vraie apparence d'ange. Parce que souvent, l'ange Djibril, alayhi salam, lorsqu'il venait voir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il venait sous la forme d'un être humain. Et même les sahaba ont vu hein, cet homme qui venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez sûrement le hadith de Jibril, on en a parlé lorsqu'on a fait le charh de ce hadith-là, hein, ou de la foi en les anges, on a mentionné le hadith de Jibril. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et on a mentionné à propos de ce hadith-là que les sahabas, ils ne connaissaient pas cet homme quand il est venu. Il a dit, un homme est venu, il avait les cheveux noirs, il avait un vêtement extrêmement blanc, il n'avait aucune trace de voyageur, d'être un voyageur, et personne d'entre nous ne le connaissait. Donc c'est un homme étrange et étranger. Personne ne le connaissait. Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Fa innahu Jibril, atakum yuallimukum dinakum. Il est venu vous enseigner votre religion. Donc c'était Jibril dans cette forme humaine. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril sous forme d'ange à deux reprises dans sa réelle apparence d'ange telle que Allah l'a créé. Et il a mentionné l'exemple de cette création-là. Et franchement, quand tu entends cette description, ça peut te donner la chair de poule, tellement c'est effrayant. Oui, il dit, je l'ai vu deux fois, une fois dans le ciel, hein, et il avait 600 ailes, et il a complètement couvert l'horizon. Hein, subhanallah. Il a complètement couvert l'horizon. Donc, vous imaginez, vous regardez le ciel, vous regardez l'horizon, vous voyez que hein, cet ange-là qui couvre le ciel. Yani, vous voyez plus d'autre chose que l'ange qui couvre l'horizon. Subhanallah! Hein? Comme ça doit être effrayant et peurant aussi, parce que nous, on est habitués de voir quand on regarde le ciel, on voit. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir? Les nuages, le ciel, la lune, les étoiles, le soleil. Si un jour on voit, puis on regarde le ciel, on voit qu'un ange, peut-être on va mourir d'une crise cardiaque à ce moment-là. C'est pas pour rien que Allah ne nous a pas permis de voir les anges. Hein? Notre cœur, il serait probablement pas capable de le supporter. Et donc ça, c'est un seul ange. Donc c'est pas rien ça. Hein? Un seul parmi les anges que Allah a créé. Imaginez les autres. On ne sait pas, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont plus grands encore. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Il a fait des anges, des messagers qui ont soit 2, 3 ou 4 ailes. Et il dit il augmente dans sa création comme il veut. Ça veut dire, s'il veut, il peut mettre à ses anges 600 ailes comme Djibril. 600 ailes! Comment il a 600 ailes? On ne sait pas. Sans comment ces ailes-là, 600 ailes, on ne sait pas comment. C'est Allah qui sait. Mais c'est juste pour nous montrer en même temps la grandeur. Il couvre l'horizon avec ça, hein, avec ses ailes. Après, qu'est-ce qu'il explique le cheikh? Il dit, Idan. الإيمان بالملائكة يستلزم الإيمان بعظمة الخالق عز وجل لأن قوة المخلوق تدل على قوة الخالق. Donc il dit, donc ça signifie quoi? Ça signifie que la foi en les anges implique la foi en la grandeur de celui qui les a créés, parce que la force de la créature indique la force du créateur. Hein? C'est certain que le créateur il est plus fort que sa créature. Hein? Ça, c'est clair. Et il dit ensuite, ثانيا, deuxièmement, شكره تعالى على عنايته بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. Le deuxième fruit qui découle de la connaissance de la foi en ces anges-là, et d'avoir la foi en ces anges, c'est le fait d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il s'est préoccupé de ses serviteurs, du fait qu'il leur a assigné des anges pour s'occuper d'eux, pour les protéger, pour écrire leurs œuvres, hein, et tout ça, c'est pour leur bien. Donc, être reconnaissant envers Allah vis-à-vis de ça. Et le cheikh, il explique ça en disant, « Idhan, idha amanna bil malaikati wa wadaifihim wa a'malihim, awjabalana dhalika shukrullahi ta'ala ala inayatihi bina. » قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله معطوفة على الذين يعني والذين حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات دعاء عظيم جدا كل يوم بل كل ساعة بل كل لحظة وهم المقربون عند الله فالذين يحملون العرش ومن حوله ومن حول العرش ممن لا يحمله هذه وظيفتهم فهذه عناية من الله بنا أن سخر لنا هؤلاء الملائكة المقربين بهذا الدعاء العظيم. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, une fois que Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses anges, et nous on croit en ses anges et on croit en la tâche, hein, ou le travail que Allah a donné à chacun de ces anges-là. Et ils ont tous un travail et une tâche qui leur a été assignée. Hein? Et cela doit nous amener obligatoirement à être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala pour s'être occupé de nous. Allah subhanahu wa ta'ala, hein, c'est le Créateur miséricordieux. Et le Créateur, hein, yani, qui se préoccupe de sa création. C'est pas comme s'il a créé les hommes, il les a laissés sur la terre, hein, et il leur a dit, non, débrouillez-vous toutes seules, faites vous-même vos affaires. Non, il nous a pas comme ça abandonnés sur la terre, laissés créer comme ça, sans rien nous montrer, sans rien nous donner, sans rien nous expliquer. Non. Il nous a montré tout. Et il s'est préoccupé de nous. Et il s'est préoccupé de notre bien. Il a même fait en sorte qu'il y ait des anges là qui sont là pour s'occuper de notre état et de notre situation. Et qui vont même nous protéger et s'occuper de ce qui est pour notre bien. Tu voulais poser une question? Wa kafa billahi shahida. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah suffit comme témoin. Hein? Allah est suffisant comme témoin. Oui. Barakallahu fik. Non, parce qu'il y a des situations ou des cas où les anges ne vont pas être nécessairement témoins de certaines choses. Tu comprends ce que je veux dire? Dans les moments de l'intimité ou des choses comme ça, donc ça c'est autre chose. Non. Donc le cheikh il a cité le verset dans Surat Ghafir et c'est les versets 7 à 9 dans Surat Ghafir. Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit comment les anges ils s'occupent, hein, des êtres humains. Et il dit ceux, c'est-à-dire les anges qui portent le trône. Il y a des anges qui portent le trône. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon de ceux qui croient. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science, pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Qui est-ce qui dit ça? Hein? Les anges. Les anges, ils font ce dua. Hein? Il dit, Les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Ils disent, Seigneur, tu étends sur toutes choses ta miséricorde et ta science, pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, Rabbana, fais-leur entrer au jardin d'Éden, que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants. Car c'est toi le puissant, le sage, et préserve-les du châtiment, des mauvaises actions. Quiconque tu préserves du châtiment de ses mauvaises actions ce jour-là, tu lui feras miséricorde. Et c'est là l'énorme succès. Donc ça, c'est les exemples d'invocation que les anges font pour les croyants. Et le cheikh, il dit ça, c'est un immense, un grand doua, une grande invocation. Et il dit, et ils le font à chaque jour, chaque heure, chaque moment. Et ce sont les anges qui sont rapprochés d'Allah. Donc ceux qui portent le trône et ceux qui sont autour du trône, parmi ceux qui ne portent pas le trône, voilà leur travail. Voilà leur tâche. C'est ça leur tâche que Allah leur a donné, de faire des doigts pour les croyants. Subhanallah. Donc ça, c'est comme ça, ça nous montre à quel point Allah subhanahu wa ta'ala se préoccupe du sort de ses créatures et comment il a assujetti ses anges qui sont rapprochés de lui pour ce genre d'invocation pour les croyants. Donc ça, c'est une grande ni'ma. Une grande miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas indifférent de ses créatures et de leur sort. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh, il dit ensuite, wa aydan hunaka malaikatun yahfazunana. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Qala ta'ala, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi. يحفظونه من أمر الله يعني جنود مغيبون مغيبون عنك يحفظونك من بين يديك ومن خلفك بأمر الله عز وجل وهذه من العناية التامة بالعباد ولله الحمد. Donc le cheikh il dit, il y a également des anges que Allah a placés pour ce pour s'occuper de ces créatures et pour les protéger. Et il a mentionné à ce sujet-là le verset 11 dans Sourate Ar-Ra'd, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a des anges qui se relaient entre eux et qui sont en avant et en arrière d'eux, qui les préservent contre l'ordre d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés pour les préserver et les protéger. Et c'est des armées d'anges qui sont cachées de nous, qui sont dans l'invisible, et qui protègent les êtres humains par devant et par derrière des êtres humains. Et il dit, et c'est par l'ordre d'Allah qu'ils le font. Et il dit donc, ça montre à quel point Allah subhanahu wa ta'ala s'est préoccupé de façon complète de ses créatures, de ses serviteurs. Et il dit, وَكَذَلِكَ مَلَائِكَةٌ مُوَكَّلُونَ بِكِتَابَةِ أَعْمَالِنَا لِأَنْ لَا تَضِيعَ فَهُمْ يعني مُوَظَّفُونَ لِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا يَجْهَلُونَهُ وَلَا يُفَرِّطُونَ فِيهِ. Donc le cheikh il dit, il y a d'autres anges qui sont chargés d'écrire nos œuvres pour qu'elles ne soient pas perdues ou égarées. Et ce sont donc des employés qu'Allah a placés pour ce travail. Et il mentionne les versets 9 à 12 dans Sourate Al-Infitar, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, non, mais vous traitez la religion de mensonge, alors qu'il y a sur vous des gardiens, nobles scribes, ils savent ce que vous faites. Ils ne l'ignorent pas et ils ne négligent pas Rien de ce qui a rapport avec ça. Donc, yani, subhanallah. Et le cheikh, il dit, وَلَوْ سَأَلْتُكَ الْآنَ مَاذَا عَمِلْتَ فِي هَذَا الشَّهَرَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُحْصِي مَا عَمِلْتَ لَا مِنَ الْخَيْرِ وَلَا مِنَ الشَّرِّ وَلَوْ كَانَ عِنْدَكَ أَحَدٌ مِنَ الْبَشَرِ يَكْتُبُ أَعْمَالَكَ لَيْلًا وَنَهَارًا سِرًّا وَجِهَارًا التَّعِبُ لَتَعِبَ وَمَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ. Donc il dit, si aujourd'hui je te demandais qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci, peut-être que tu vas oublier des choses, qu'est-ce que tu as fait, tu ne pourras pas te rappeler de chaque petit détail de qu'est-ce que tu as fait. Et il dit, tu ne peux pas tout énumérer, tout ce que tu as fait de bien ou de mal. Il dit, et si on avait chargé quelqu'un, par exemple, pour écrire toutes tes œuvres, on a dit à quelqu'un, bon, toi, tu vas suivre cette personne, tu vas écrire tout ce qu'il fait, du jour, le jour et la nuit, et sans arrêt, tu vas écrire tout ce qu'il est en train de faire. Il va pas être capable, hein? Il va pas être capable de le suivre et il va se fatiguer. Il va être fatigué, hein? Donc il dit, et il dit, wa aydan hunaka malaikatun yahfazunaka idha mitta, hein? Qala Allah ta'ala, hatta idha ja'a ahadakum al-maut, hatta idha ja'a ahadakum al-maut, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. وهم لا يفرطون في هذه الروح التي قبضوها ولا يمكنون أحدا من السلطة عليها بل يحفظونها إلى أن تنتهي مهمتهم وأيضا هناك ملائكة موكلون بالقطر والذي ينتفع بالقطر هم الناس بنو آدم وكذلك موكلون بالنبات وغير ذلك فلذلك قال المؤلف غير ذلك من مصالحهم أليس هذا من نعمة الله؟ بلى. إذن علينا أن نذكر نعمة الله عز وجل بهؤلاء الملائكة الذين وكلوا بنا إلى هذا الحد العظيم. نعم. Donc le cheikh il explique ensuite et il dit, il y a également des anges qui nous préservent lorsqu'on meurt. Hein? C'est-à-dire qu'au moment où notre âme sort de notre corps, Allah subhanahu wa ta'ala charge des anges pour s'en occuper de notre âme, pour la prendre et la garder. Et il ne laisse rien, hein, dans ce qui a rapport avec cette tâche qu'ils ont de reprendre cette âme et de s'en occuper, hein? Et il ne laisse à personne d'autre, hein, le pouvoir ou la possibilité de faire quoi que ce soit avec cette âme jusqu'à ce qu'ils aient complété leur tâche. Il y a d'autres anges également qui sont chargés des gouttes de pluie et ça revient à un bien pour les êtres humains aussi. Et il y en a d'autres qui sont chargés des plantes, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est pour le bien des êtres humains. Donc, il dit, n'est-ce pas que cela fait partie des grâces d'Allah? Certes, oui. Donc, nous devons nous rappeler des grâces d'Allah. Et il dit, par les anges que Allah a assignés justement pour s'occuper de nous. Hein? Et ça, c'est une grande, hein, parmi les grâces d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il dit parmi les exemples aussi, le troisième bienfait qu'il y a dans le fruit de croire en les anges, mahabbatul malaikati ala ma qamu bihi min ibadati llahi ala alwajh alakmal wastighfarihim lilmu'minin. C'est-à-dire que troisièmement, on doit aimer les anges pour tout ce qu'ils ont fait, hein, comme adoration d'Allah de la façon la plus parfaite. Et pour le fait qu'il demande pardon pour les croyants. Donc ça, c'est les deux points. Et le cheikh Ibn Uthaymin, il résume ces deux points-là en disant « فَنُحِبُّهُمْ لِسَبَبَيْنِ السَّبَبُ الْأَوَّلِ قِيَامُهُمْ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَيْنَا أَن نُحِبَّ كُلَّ مَنْ قَامَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْآدَمِيِّينَ وَالْجِنِّ وَهَذِهِ هِيَ الْمَحَبَّةُ فِي اللَّهِ الَّتِي هي من أوثق عرى الإيمان بالله فنحن نحب الملائكة لأنهم يقومون بأمر الله تعالى. والسبب الثاني أنهم يستغفرون للمؤمنين، فهذه ثمرات جليلة للإيمان بالملائكة. وليس المراد أن نؤمن بالملائكة إيمانا نظريا بأن نعرف أن هناك ملائكة يفعلون كذا وكذا، بل لا بد أن تكون هذه الثمرات في قلوبنا. وقد يكون هناك ثمرات أخرى، ولكن نحن نذكر هنا حسب ما تيسر. Donc le cheikh il dit les deux causes pour lesquelles on aime les anges. La première raison c'est parce que ils obéissent à Allah et donc ça c'est une obligation pour nous d'aimer tous ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit des anges, que ce soit des êtres humains ou des djinns. Et il dit c'est un amour en réalité qui est un amour en Allah, hein, et qui fait partie de l'anse la plus solide de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous aimons les anges parce qu'ils établissent l'ordre d'Allah. Et la deuxième cause, c'est parce qu'ils demandent pardon pour les croyants, et ça, ça fait partie des fruits de la foi en les anges. Et on ne veut pas dire ici que la foi en les anges, c'est juste de croire d'une manière théorique, hein? Mais il faut savoir qu'il y a donc des anges qui font telle ou telle chose, mais il faut également que cette foi-là, elle produise en nous des fruits dans nos cœurs. Et il y aura bien entendu d'autres fruits à ce sujet-là, mais on a uniquement mentionné ce qui était possible et ce qui était facile pour nous. Donc ça, c'est ce qui conclut le point au sujet des fruits de la foi en les anges. Il nous reste maintenant les autres points. On va les compléter, inshallah, dans les cours suivants. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيراً